Lundi 13. Lundi 13, ça annule. C'est pas un vendredi, c'est un lundi. La méchanceté est partie. Refaire sa vie. Aux États-Unis. Ils m'ont envoyé. Ils t'ont réenvoyé, envoyé, dévoyé, dépoté, démonié. Non, ils m'ont envoyé un générique. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Le lundi 13 novembre 2017, monte le volume, oui, monte-le, là. Prends la rondelle et gravite au max, car c'est parti, là, hein. C'est lundi et c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'est nous! Hein? Ça, quand même, ça, comme on dit dans le milieu, ça rentre dur. Okay, dans quel milieu on peut dire ça, que ça rentre dur? Déjà, entrée dur. Dur dans le sens de prononcer, là, de pas mollassant, de consistant, là, de presque un couteau dans le play, comme disait Gainsbourg, et chanté par Gene Birkin. Ne tape pas, s'il te plaît, le couteau dans le play. Hello? Je m'appelle Gene Birkin. J'ai 33 Oh, Gene Birkin. Mais mon imitation de... Bonjour, c'est Gene. Vous écoutez CKRL, c'est comme chambre, K comme crité, R comme Reynoldienne, L comme la chose que j'avais trouvée. Non, la chose, ça fonctionne pas, madame, parce que là, c'est l'article. Donc, il faut trouver un mot avec elle. Laconique. Oh, laconique. Oh, mais vous me surprenez. J'aime bien te surprendre, mon ré adoré. Oh, vous êtes en pleine confidence. Ah non, je suis sans doute en plein délirium, mais j'ai pris du soleil avant-hier. Et puis le soleil du mois de novembre, je sais pas, c'est pas comme le mois de juillet ou le mois de août, septembre. Le mois de novembre, c'est un soleil qui tombe, hein? Qui tombe sur la carotide. Pour les gens qui connaissent pas le soleil qui tombe sur la carotide, ça fait pas partie des prises de lutte, non? Ou de cash, comme dit Johnny. Johnny Cash. On part fort! Je vous l'ai dit, je vous l'ai pas encore dit, c'était la meilleure émission de l'année. Ça, là, ce soir, c'est la meilleure émission de l'année. Appelez vos amis si vous en avez encore. Non, mais parce qu'il y a quelques mois, j'ai cru bon. Puis j'ai un autre sujet aussi à vous parler. Mon ordinateur ne me reconnaissait plus, mais ça, c'est une autre histoire dans quelques minutes. J'avais dit à des connaissances, pas à des amis, à des connaissances. Ben, vous savez, c'est arrivé comme ça, là, sur le sujet. Ah, ce qu'on écoute à la radio ou à mon boulot, c'est de la merde. Une radio commerciale. Mais pourquoi on peut pas placer ça sur CKRL? Puis là, CKRL! Qu'est-ce que c'est ça, c'est Quéril? Et là, on parle à des Québécois là, qui sont là depuis longtemps. Là. De souche, comme on dit. Ben là, je commence à sortir ma cassette. C'est KRL, la première radio associative francophone au monde. L'associatif, communautaire! Bon, c'est similaire, l'associatif communautaire. Mais on veut changer de communautaire. Moi, en tout cas, je ne veux plus le placer dans mon lexique. Je préfère associatif. Parce que l'association mène plus loin. À plusieurs, on peut changer le monde. C'est tellement beau ce que je viens de dire là. Et en parlant de monde, mon ordinateur n'est plus du monde depuis hier. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je pense que je suis en surmenage. Je travaille trop. J'ai trop de choses. Je pense pas assez à moi. J'ai encore pensé, c'est un mot exagéré, mais je réfléchis pas assez pour moi, sur moi. En fait, je me garde pas. Vous savez, on travaille, on mène une vie d'errant rénaldien, et puis on oublie souvent de faire un arrêt sur image, hein, peut-être même de placer un cliché, de prendre une photo de notre réalité, hein, de se surprendre, là, un photogramme qui représente l'instant présent. On veut pas voir ça, on peut plus s'arrêter, on est dans un mouvement, donc on peut pas freiner cet élan. Parce qu'on se dit, est-ce que ça va revenir, puis on va-t-il aller plus vite qu'avant si on s'arrête? L'intérêt, c'est ça, là. Vais-je aller plus loin qu'avant? Alors, hier, je sais pas ce qui s'est passé, là. J'ai un petit ordi de rien, là, plus petit qu'un 15 et puis qu'un 13. En fait, c'est un 10 et 10.8. Ça, c'est la grosseur de l'écran. Et à chaque fois que je m'en vais dans mes voyages, rencontrer des artistes, des créateurs, comme aujourd'hui, écoutez, il faut pas non plus garder sous silence que je vais parler avec mon ami Stéphane Doré, qui est un musicien, chanteur, compositeur, auteur, mais c'est pas le moment de le présenter puisque nous sommes dans notre ouverture d'émission. Pour ceux qui connaissent pas trop Errance Rénaldienne puis qui se sentent un peu ébranlés, ben c'est le but de la manœuvre. Déjà là, si vous l'êtes, on est heureux. Et quand on est heureux, on est heureux. Nous, on n'est pas moitié heureux. On est heureux ou on n'est pas heureux. Puis quand on est heureux, on cherche à terrasser n'importe qui. On veut terrasser pour justifier l'intérêt que l'on peut amener autre chose de conventionnel dans la radio populaire traditionnelle. Pas populaire. Le but, c'est pas d'être populaire, c'est de toucher une personne. Quand tu touches une personne, l'histoire est gagnante. Alors, mon ordinateur que j'amène en Europe ou dans mes voyages où je rencontre des grands artistes, des créateurs, j'avais placé il y a quelques années un numéro de passe. Donc, lorsque je l'ouvrais, on m'affichait une photo. C'était ma bouille avec Florent Nouvel. Parce que je trouve que la photo qu'on a prise ensemble il y a 2 ans est super rigolote. Je fais des grimaces, hein, lorsque je prends des photos de mes artistes avec moi. Puis à un moment donné, lui, il m'a vu faire une grimace, puis il me relance le visage que je fais à la majorité des artistes. Donc je suis surpris, mais en même temps heureux de sa façon de proposer une autre photographie de mes invités. Donc, ça fait partie de l'ouverture à chaque fois que je place mon ordinateur en mode tension. On aime ça, la tension. C'est pour ça que je ferme rarement mes ordinateurs. Ils peuvent rester roulés. Ils peuvent se faire rouler, là. J'estime très mal. Là. J'estime. Mais un ordinateur, pour moi, là, ça se ferme peut-être après 3 semaines, 1 mois. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il ne fonctionne pas, il est fermé. Donc, j'ouvre le truc. Je ne vois pas ma photo de Florent Nouvel et de moi-même. Et là, je me dis, ben voyons, j'entre mon numéro de passe. Ça ne fonctionne pas. Panique. Grosse panique. Là. Toutes mes émissions de cette année, 2017-2018, se trouve dans cet ordi-là. Oui, mes amis sincères, mon grand public que j'adore et que j'embrasse, là, maintenant, actuellement, ça vaut la peine de s'embrasser. Je vous embrasse. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, je vous embrasse. Donc, déjà là, c'est beau. C'est un témoignage humaniste. Mais là, je me dis, voyons donc. Que se passe-t-il? Puis depuis quelque temps, tout roule croche dans ma vie. Là, je ne veux pas non plus faire pleurer, là, mais ça fait partie, selon moi, du mouvement que je crée depuis quelques semaines. Vous savez, nous sommes des êtres, comment dire, pas... avec des... L'aura, là, avec l'aura, avec des auras, des auras, on propulse quelque chose. Puis là, je sais pas, moi, c'est on dirait que c'est un diapason depuis quelque temps, là. L'emploi de harmonie, désharmonisé. Voilà, désharmonisé, c'est comme de l'anarchie-punk que j'adore. J'adore la punk parce que c'est des musiques concises et qui veulent dire quelque chose en très peu de temps. Quand c'est concis, normalement, c'est en peu de temps. Hein? Quand même pas pire, hein? Pas pire, pas pire. Fait que là, mon ordinateur reconnaît pas l'auteur de ce programme-là, du Windows. Là, j'ai dit, il faut que je trouve Tony Bennett qui va me chanter. Over to the rainbow, I'm mais je le trouve pas. Trouve pas le de Tony Bennett Over the Rainbow, de Bimbo. Trouve pas, je trouve rien. Puis là, mon ordinateur me trouve même pas. Et là, je commence à avoir des vergetures au niveau des omoplates. Ça m'arrive. Et je me suis dit, c'est impossible, toutes mes émissions sont là-dedans. Puis oui, j'ai placé ça sur un disque dur, mais bon, c'est pas comme l'avoir dans mon ordi. Je fais des montages sonores avec ça. Là, j'ai dit, ouh, je m'en vais. Excusez-moi, j'ai mal aux oreilles. Non, mais en fait, c'est mes oreilles qui tombent sur ma lunette. Puis avec les écouteurs, si ça sert, ces écouteurs-là, moi, j'y prends. Moi, c'est professionnel. Ça vient d'Allemagne, ces écouteurs-là. Micro Allemagne, écouteur allemand. Mais je parle francophone. Parle pas français, parle francophone, moi. Moi, tu me mets 3-4 francophones, m'a parlé francophone. Ah, oh, parler québécois aussi, mais le québécois, c'est un dialecte. Il ne me reconnaît pas, l'ordinateur. On suit toujours le train en marche. Connaît pas. Il me reconnaît pas. Hey, on se connaît depuis 3 ans. Mais là, je me rappelle, il y a un an et demi, j'avais placé un programme qui reconnaissait les visages. Oh, là, c'est intéressant. Alors, je referme et je réouvre mon ordinateur. Je syntonise le programme en question. Et là, je me place devant la petite caméra devant mon portable. Et là, c'est à se rappeler. Est-ce qu'il y a un an et demi, je riais lorsque j'ai pris la photo ou je ne riais pas? Tu as des questions de tous les jours. Là. Les jours nous amènent des questions et les questions nous amènent les jours. Puis les jours, on ne sait pas s'ils se suivent, s'ils se chevauchent. Parce que s'ils se chevauchent, c'est peut-être plus intéressant que s'ils se suivent. Parce qu'ils se montent par-dessus pour retomber de l'autre côté de la journée. Ça, c'est intéressant. Là. Ça m'excite, cette affaire-là, là, le chevauchement des jours. Mais là, est-ce que je souriais pas lors de la prise de vue de photographie? Là, je dis, on va faire deux versions. Version sourire, version pas sourire. Mais hier, je vais vous expliquer encore la chose. Ça se complique. Ça se complique tout le temps, moi, ma vie. C'est parce que nous étions en fin de soirée. J'avais rencontré des amis, des anciennes copines. Et on avait eu du plaisir. Tu sais, je veux dire, deux, trois petites bières. Puis devant mon ordinateur, je dis, ouais, est-ce qu'il va me reconnaître? C'est ça l'intérêt, là. Est-ce qu'il va me reconnaître? Là, je sais que j'avais pris un plan serré. On appelle ça un plan serré du visage. Donc, des sourcils jusqu'en bas de mon troisième menton. Parce que moi, j'ai trois mentons. Ouais, fait que là, deuxième, troisième. Mais je me souvenais que j'avais pris la globalité de cette laideur que l'on appelle rénale gagnée. Donc, je presse sur scan pour qu'il scanne mon visage. Numérise, si vous préférez, pour qu'il numérise mon visage. Et là, je souris pas. Puis je vois bien que l'œil de ma caméra me reconnaît pas non plus. Hé, hey, là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai décidé de sourire. Je ris, mais là, j'ai dit, j'ai pris quelques bières. Est-ce qu'il va me reconnaître dans un sourire ivre? ivre, un sourire rive. Est-ce que vous me reconnaissez, un sourire rive? Il y a le sourire. Là, je vois que le scan, hein, le numérisateur numérise, mais il ne me reconnaît pas le visage. J'ai dit, pourtant, j'ai pas fait une chirurgie esthétique, là. J'ai pas mis du collagène sur ce visage qui est déjà assez abîmé par la vie. Là, dernière idée, je reprends le visage sans mimique. Et là, oh, souvenir beau d'il y a même pas 24 heures. Fring! Mon ordinateur s'ouvre à moi. Comme l'épouse après avoir dit oui, je le veux. Oh, c'était merveilleux que de beaux moments! Chauffeur, suivez cette étoile défilante, se faufilant dans le ciel bleu des regards admiratifs, devant ce corps céleste, oui, devant ce corps céleste, à moitié dénudé. Back to you. wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your line awake and thinking about the one you love? Close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of. Well, if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, low, low, low, low she'll go. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying. Si vous avez écouté l'émission depuis le début, je vous ai mentionné de garder les yeux grands ouverts. Et le lien, c'est ça! Et c'est-à-dire, ben le lien avec la chanson. Oui, mais c'est extrait d'un album. Oui, bien, j'espère, si c'est une chanson. Mais ben, aujourd'hui, attention! Musique n'égale pas CD. Le CD est presque décédé. Internet peut nous amener uniquement une mélopée. En dehors de tout concept musical qui peuvent engendrer une autre chanson, comme à l'époque où Gainsbourg avait fait L'homme à tête de chou, Jean-Pierre Ferland avait fait Jaune. Aujourd'hui, où sont les albums conceptuels? Là est la question. Il en reste tout le temps. Ben non, je ne suis pas nostalgique. Je suis sûr que ça va amener autre chose de plus enivrant. J'ai rien contre, bien au contraire. Donc, j'avais dit au début de l'émission de garder les yeux grands ouverts. Lien à Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Ben oui. Eyes Wide Shut. Pas mal, le gars, hein? Puis c'était... C'est pas gentil de dire, hein? C'est dire, hein? Non, non, c'est... Non, non, ça vient pas de dire, hein? Ça vient du Québec. on est fou, comment ça va, vous autres? Les enfants vont bien? La petite dernière a percé ses dents? Ben, je suis quand même un petit peu gêné de vous en parler, M. Grenier. Oh, pourquoi? Ma dernière a 22 ans. OK. Et puis, plus une dent. 22 ans, plus une dent. Oh, elle est prête pour la vie? Oh, oui, oui, oui, oui, elle est prête, elle est prête. Elle-même se demande, suis-je... suis-je? OK, mais quand tu te poses des questions, c'est mon signe. C'est à la seconde ou à la minute où tu t'en poses plus que tout... Tout est mis à plat. Et quand c'est mis à plat, croyez-moi, ce n'est pas comme la sphère que l'on regarde ou l'étoile que je viens de vous parler tout à l'heure dans mon texte. Lorsque tout est plat, de un, il ne faut pas en faire tout un plat. Et de deux, il faut ramener la courbe. Il faut ramener le zigzag étonnant de l'existence de la vie. Parce qu'en ligne droite, au bout du compte, là, ben beau marcher tout droit, puis de faire son zombie de soi-même, Mais c'est quand même intéressant, hein? Se prendre dans un labyrinthe et puis essayer de trouver une autre sortie, puis quand ça fonctionne pas, l'angoisse monte. C'est l'adrénaline! L'adrénaline! L'adrénaline. Eh oui, adrénaline, non. On est constamment là-dessus. Et les enfants aussi. Mais ce qu'on aimerait qu'ils soient, c'est des adultes. Hein? Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Il me semble qu'on saute du coq à l'âne. Mais c'est normal, c'est l'émission qui se veut ainsi. Et moi, j'adore les enfants. Dans mon lieu de travail, je termine à 23h, mais comme je commence à 15h, je côtoie ces jeunes bambins. Là, on va mettre des âges, là, à partir de tout petit. 12 ans et moins. 10 ans et moins, tiens. 10 ans et moins, les enfants m'adorent. Après, ça se complique. Et je vois deux petites filles, deux sœurs, qu'ils arrivent devant moi, ils arrivent devant moi à la caisse, puis elles me disent, mais je comprends pas du premier coup, moi, pacha, moi, homme. Je dis, pardon, en riant, bien sûr. L'autre petite fille, sa soeur, dit, non, moi, pacha, moi, homme. Là, je comprends absolument rien, parce que ça riait, ça sautillait, puis ça articulait mal. Je dis, attendez là, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, pacha, moi, homme. J'ai dit, OK, moi, pacha, moi, homme. Moi, au début, je croyais qu'elle voulait dire un pacha. Mais non, c'est moi, pacha, moi, homme. Là, j'ai dit, ça vient de quel film, de quelle série, de quel... C'est Monsieur Monsieur Boulepoil, un film que je dois voir parce qu'ils m'ont dit, même le père m'a dit, ah, c'est quand même un film intéressant, là. Ça s'adresse pas juste aux enfants. L'intérêt aujourd'hui de faire des films pour enfants, comme je suis contre les films pour enfants, autant que je suis contre les livres pour enfants, puisque tout se rejoint, on ne doit pas hiérarchiser une œuvre, selon moi. Donc, l'homme, le père, a pris autant de plaisir. Tu sais, c'est comme les voitures qui parlent. C'est rigolo, ça, Monster, c'est rigolo. Puis même, on peut voir une finesse d'intelligence. Puis là, comme j'ai parlé depuis quand même passablement de temps, on va se laisser imbiber l'oreille. Puis ça, c'est important de s'imbiber l'oreille. On se demande toujours comment le faire. Est-ce que c'est en prenant une douche, un bain, à la piscine? Oh non. Non. Tout simplement, en écoutant de la musique. À 100 000 à l'heure sur la route en zip, démaquillé sur une scène 150 cc, on pense à rien, on parle à ça, ou dans la vingt. Tu prends la courbe où y'a personne qui t'apprend. Des bras par devant, des bras par derrière. La tête en fibre de l'herbe, l'herbe. À 100 000 à l'heure sur la route en fond. Hier est au niveau des deux carburateurs. Demain est à fleur de macadam. De caoutchouc, le beau moment entre avoir peur et aller jusqu'au bout. Le feu, le vin, le son des deux. Une rose dans le dos. À 100 000 mille à l'heure sur la route danse. Y a des pensées qui pardonnent pas beaucoup. Comme un peuplier donne la vie immuablement, comme il la reprend sur la pousse dans son immobilité. Des bras par devant, des bras par derrière, peut-être ailleurs il fait beau. On a modéré dans un champ de blé, on l'a dévalé. À 30 000 là, on s'est trouvé à tout voir de plus près. Pendant que nos chevaux soufflaient, bonjour le jour, bonjour le ciel, son bras dans mon cou, ma main sur ses jambes, à 0 pile à l'heure. Y a des pensées qui pardonnent pas beaucoup, comme un besoin de s'arrêter. Bonjour le jour, bonjour le ciel, bonjour le prêt de blé. Tous les trois tout nus, tous les trois ensemble. Et sous, sous le peuplier, à 600 000 à l'heure sur la route tombe, les portes s'ouvrent et les oiseaux s'envolent. À 600 000 à l'heure sur la route tombe, le bout du monde est à portée de soir. Le dimanche en plein été, les maisons sont comme des actes de thé. Thé. La seule chose qui n'est pas réussie sur cette chanson-là, c'est la fin. Mais l'ensemble est exceptionnel. Et croyez-moi, ben vous avez le choix aussi de ne pas me croire, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit croyez-moi. Mais il y a des déclencheurs dans la vie qui te font bouger, qui te font réagir et qui te font passer de la passivité à l'activité. Hein, tu deviens actif. Et depuis le mois d'août de cette année, j'ai fait une rencontre. En fait, je le connaissais, l'album. Je connaissais... Jaune de Jean-Pierre Ferland me disait quelque chose quand même. Il y avait Le Petit Roi, bon, il y avait des incontournables comme ça. Mais là, j'ai vu le spectacle. Le spectacle de 55 minutes où il reprend toute l'intégralité de l'album Jaune. J'ai eu le goût de me procurer l'album redigitalisé, remasteré, 24 bits. Et j'avais un cinéma maison depuis décembre dans une boîte que j'avais achetée pour mon cadeau de Noël. Je ne l'avais jamais ouvert. Je n'avais jamais placé ça dans mon salon. Et j'ai décidé, pour jouir, parce que c'est surround digital, mettez-en tout ce que vous voulez, je l'ai sur ce petit appareil-là. Puis c'est petit appareil. Ah, Blu-ray. Blu-ray en plus de ça. Mon premier appareil Blu-ray, puis là, je me disais comme ça, ça sert à quoi de m'acheter ça si j'ai pas de disque Blu-ray? Je suis pas pour le Blu-ray, moi. J'ai des DVD, ça va, j'ai... Oui, je le sais. j'ai modifié du VHS au DVD sans trop de problèmes. Mais là, je me suis dit, du DVD au Blu-ray, je crois que c'est un abus que la société de consommation essaye de nous amener à franchir pour pouvoir dépenser plus d'argent. Mais là, en achetant l'album jaune de Jean-Pierre Ferland et l'album, comment tu l'appelles, donc je vais vous le dire, on a le temps, Les Noces d'or jaune. Et ça, c'est le double avec l'album redigitalisé. Ben là, je devais m'acheter un DVD pour que la livraison soit gratos. Parce que moi, je vous l'ai dit depuis des années, je ne commande que sur Internet. Je veux rien savoir des vendeurs et des vendeuses. Je veux pas qu'on me rajoute des affaires. Bon, mais il manquait 10$ pour que la livraison soit gratos. Alors, je vais dans la sélection des films. Et je trouve Xavier Nolan, que je, mais je me confesse. Hey, là, nous sommes dans des confessions assez gênantes. Je n'ai jamais vu de film de Xavier Nolan, moi, qui a étudié en création littéraire et en études cinématographiques. Moi qui disais de lui, qui disait encore de lui, que c'est le François Truffaut moderne. Donc, je clique sur « Mommy ». Pas la momie, mais momie, maman, momie. Momie. Je clique sur momie. Et je presse sur commander. Trois jours après, je devais recevoir la livraison. Je regarde où est rendue ma commande. Je me rends compte que momie, c'est pas un DVD, c'est un Blu-ray. Puis là, j'ai dit, voyons donc, j'ai pas de Blu-ray, moi. Me souvenant plus que j'avais dans ma boîte un système maison avec Blu-ray intégré. Là, c'est rendu que votre Riri a le Blu-ray. Je suis plus n'importe qui, là. Là, faut plus que tu me dises Rénal, faut que tu me dises Monsieur Rénal si tu me vois dans la rue. Puis, normalement, là, à votre place, à ta place, j'aurais une petite gêne. Donc, je traverserai la rue. Si t'as pas de Blu-ray, parce que là, t'es pas rien. Là, t'es rien si t'as pas un Blu-ray, toi, là. T'es rien. La fourmi que t'écrases en marchant, là, ben, elle est plus importante que toi, parce qu'elle, elle a pas besoin de Blu-ray dans sa vie, parce que c'est une fourmi. Mais toi, t'es un humain, toi, t'es un être intelligent, cultivé, il te faut un Blu-ray! Hey, la société de consommation, mais comme apparu en plein visage, hein, j'ai été endoctriné. Et qu'est-ce que ça fait, un endoctrinologue? Un endoctrinologue, c'est un être qui connaît le rouage et la psyché de l'humain et qui travaille un peu comme un sculpteur, là, qui va chercher le petit morceau de bois avec son couteau, là, puis qui sait qu'est-ce que ça va donner. Là. C'est comme un neurologue là, qui connaît tout le circuit nerveux du cerveau et qui sait très bien que si on touche ce petit fil-là de ton cervelet, ben tu risques de plus goûter le sucré. En parlant de sucré, je vais vous faire partager en 24 bits une chanson, toujours de Jean-Pierre Ferland, toujours jaune, et c'est celle qui me plaît. Là, je vais arrêter là, de parce que quand c'est la première fois depuis des années que je m'acharne sur une œuvre comme ça. Adolescent là, j'écoutais L'homme à tête de chou de Gainsbourg, oui, Melody Nelson, là, j'écoutais que ça et je suis redevenu ce gars de 18-19 ans qui rejouait le même album. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, on va écouter du Blu-ray. Pas du Blu-ray, excusez. Je suis tout mêlé, moi. La technologie m'a t'a le dire, là. Si j'ai pas le lexique. Je mêle le Blu-ray, le DVD, puis le ciré. Le ciré? Ah, oh, c'est une nouvelle technologie. Ça s'en vient, le ciré, là. Puis, pour le moment, je sens que t'en as rien à cirer. Mais, la chanson... L'original, 70, retravaillé, ça donne ça. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là ici. Excusez. Voilà. Tout ça pour une gonzesse qui m'avait dû par l'adresse et le fossile. J'ai pris mon couteau et schlac, schlac, schlac, schlac. Dans le dos, il est mort comme le juge l'a dit. J'ai eu 21 ans. Ma culotte et ma veste, l'amour avec la jeunesse, ça va de soi. Mais il aimait trop et schlac, schlac, schlac, schlac. Dans le dos, il était né en 1951. Purger ma peine, il n'en faudra plus que j'aime comme avant. On ne peut pas avoir toute sa vie. Pensez-y comme le juge l'a dit une autre fois. Viens-t'en, c'est fini, c'est fini. Non, non, public, j'arrête de vous emmerder avec Jaune de Jean-Pierre Ferland, quoique tout mon entourage ne le sait même pas, que je vis un bouillonnement, un peu comme un volcan, là, un bouillonnement ferlien, mais uniquement l'album Jaune. Quoique les autres chansons, j'ai rien contre, là. Celle qui me plaise un peu moins, c'est acoustique, là. Je veux pas dormir ce soir, bon, ça, je... Mais les autres, oui. Puis c'est un peu aussi à cause des grosses enchantées que j'ai faites cet été, que j'ai eu la grande chance d'en faire 6-7, d'en produire 7-8. Il faudrait que j'aille voir dans mon agenda. Au moins 8. Et j'ai placé l'intégralité de l'album Jaune, sauf la chanson en anglais. Ben oui, Jean-Pierre Ferland a fait une chanson en anglais. Là, j'ai dit que j'arrêterais de vous emmerder, mais faut bien que je la fasse entendre, hein? Ça vaut la peine, elle est tellement drôle. I found her name on the bathroom wall of the Roxy Dancing Hall in Cape Cod, Mass. And I never could get it off of my mind. I wrote it down on the only piece of paper I found there. I wrote it down, and her number 22253. I made a call. I planned it well, but did it wrong. I missed the two, but I called again. I said my name is Romeo, if you don't mind, just call me Joe, you know. I like the name, it ain't fair, me hear you there. It ain't fair, me hear you there. We made a date in the grand salon of the Roxy Dancing Hall in Cape Cod, Mass. And I never will get it off of my mind when she came in. My heart got a bang, my head got a spin. I liked her chin and her number 22253. I said hello. She said hello, is that you, Joe? And I said yes. Then I found love. And if you wanna find it too, read a bathroom wall from time to time. It ain't fair, me hear you there. It ain't fair, me hear you there. Eh bien voilà, là maintenant à partir de cet instant précis, les prochaines chansons que vous allez entendre, c'est de mon ami Stéphane Doré, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris. Donc, aujourd'hui, je constate... parce que je dois changer ma modification du que je... Je peux pas trop vous en parler, là. Je suis dans un comme de l'eau... C'est pas de l'eau, c'est la terre. La terre bénite. C'est pas l'eau bénie. La terre. Comme aux cieux. Donner le nom, c'est la terre glaise. Tu sais qu'on s'enfonce, là. C'est pas de la terre mouvante. Ah, mouvante. La terre mouvante. Je me sens comme dans un emplacement où je m'enfonce tranquillement, là. Donc, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui... Pourquoi tu fais simple de même? Parce que... Je veux... laissez faire, là. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Il est bizarre, hein? Il est bizarre. Je sais pas si l'émission va être comme ça jusqu'à la fin. On se la souhaite. Donc, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Fring Rénal de l'Ayant Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénald Gagné. Aujourd'hui, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'artiste, l'auteur, compositeur, interprète, musicien, mettez-en, l'homme orchestre, Stéphane Doré. Stéphane Doré, je l'ai rencontré et ça a été pour moi le coup de cœur, un des coups de cœur 2017. Et je veux vous le faire partager à partir de maintenant. Bonne émission. Tu agites tes doigts, tout frais, le vernis rose. Jolie vue d'endroit, mais mon cœur à l'envers. Tu t'allonges, dis-moi oui, à mon couvert. Puis ce train ne tient plus debout. Restons couchés. Restons couchés. Puis sur le train, ne tient plus debout. Restons couchés. Restons couchés. En roulant tes draps, c'est la métamorphose. Tu changes la nuit par tes baisers. de tes doigts et ma langue se perd. Plus rien ne dit, ce n'est pas pour me déplaire. Puis votre amour ne tient plus debout. Restons touchés. Restons touchés. Sur l'entrée principale de sonore. Donc ça, je recouvre ça avec le vent. Ça, c'est nouveau pour moi. Le troll, là, c'est merveilleux. J'avais d'autres choses plus classiques. Oui, ben oui. Quoique, il y en a une hier qui faisait... Mais surtout qu'on n'entendait pas, j'ai... On va tout le temps entendre le cri, non? Mais c'est... Il mord pas au moins. Non, ben, pas encore, mais bon, il est quand même assez sauvage. Hein. Ok, je vais juste on va voir ça comme ça. C'est ici. Mettre un peu une punaison. Histoire de se laisser. Ah non, pas mal. De quoi tout ça a l'air, c'est merveilleux. Ouais. On va avancer tout ici. Je change les pins normalement à chaque deux rencontres, mais là, comme lui, c'est. On a parlé plus tôt. Mmh. Ok. T'arrives à quelle heure? Ici? Ouais. Écoute, je me suis levé à 9h et. 9h et 10 pour arriver ici à 9h30. Ouais. Mmh. Stéphane Doré, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va, ça peut aller. C'est très matinal, là. Déjà, oui. Et surtout un dimanche. Il pleut un peu, en plus. Oui, oui, mais l'éclaircie va arriver dans quelques minutes, quelques heures, comme hier. Hier, ça paraissait quand même sombre et lugubre, mais le soleil, en fin de journée, était merveilleux. Ça fait du bien un peu de fraîcheur, vu qu'il a fait chaud. Oui. Ben, moi, j'ai pas vécu vraiment la canicule, là, mais ça a duré quand même quoi, 4-5 jours? Ouais, 4 jours. 4 jours. 4 jours? Mais ça sent intense. Oui, c'est assez dur hein, pour le moral et... Mais pas la canicule? Oui, ben oui. Ah mais c'est pas ce qui me dérange, moi. J'aime bien les froids extrêmes ou la chaleur aussi. Mais pas longtemps. Non, mais c'est ça, on veut suivre, mais un minimum. Mmh. Il faut laisser le corps se reposer. Stéphane, le but de notre rencontre, c'est que je te suis depuis quelques temps. Ouais. Internet. Et là pour... C'est merveilleux, on peut connaître quelqu'un sans... Tu es musicien, tu es un homme de musique, tu es un homme de création sonore. Oui. Es-tu parisien? Es-tu né à Paris? Ou... Non, moi je suis né en banlieue parisienne. Ok. Tout après ici? Ouais, enfin dans le 77, à Brou-sur-Chantoraine. Ok. J'ai mis une seule fois les pieds. Hein. C'est quand? Bah, quand je suis né. Oui, mais tu es parti à quel âge? euh, Et après, j'étais en banlieue parisienne, mes parents sont partis quand j'avais 9 ans, en Normandie. Et après, en Normandie, je suis retourné à Caen, à Paris, vers l'âge de 23 ans. Oh. Avec une nana qui s'appelait Sylvie, c'était à l'époque ma chanteuse. Ah, c'est tout à fait, hein. Femme. Oui, oui. Et à l'époque, en fait, on avait rencontré à un tremplin un des mecs d'Indochine. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il nous a dit de venir à Paris. Mais c'est qui le mec d'Inflation? Dimitri Bodansky. Oui, oui, oui. Avec le saxo. Oui, oui, oui. Et est-ce que c'est lui qui t'a donné la piqûre de la musique ou si tu l'en faisais avant? Non, avant. En fait, moi, j'ai commencé par la basse. Et il faut que je voulais être bassiste parce que c'était plus simple. Et je voulais aussi être dans un groupe de punk. Tu jouais dans un groupe de punk? Ouais, c'est un peu le style que je faisais, un peu new wave punk. Oui, ok. Bon. Et après, les groupes de punk, ça a un peu disparu. Je me dis, moi, si je voulais quand tu vas faire de la musique, j'étais pas en étant bassiste. Donc après, c'est une longue histoire. Donc j'étais bassiste, faut que je raconte. Oh, ben oui, c'est ça l'intérêt. Ouais. J'ai commencé la basse à 17 ans. Ok. Grâce à qui? Est-ce que c'est tes parents qui étaient musiciens ou c'est toi qui voulais... Non, j'ai mes parents, mon père était flic. Il a fini commissaire. Et ma fille était. Ma mère était disquaire. Ok. Voilà, elle a lié un peu avec la musique. Parce qu'en plus, quand elle m'a dit ma mère que quand j'étais dans son ventre dans son ventre, elle bossait. Alors il y a plein de musique qui t'arrivait aux oreilles malgré tout. Grâce au cordon. Il était branché un peu comme au téléphone sur le téléphone. C'est vrai que longtemps je me suis dit pourquoi j'ai fait de la musique. Et chez toi, il devait avoir plein de musique grâce à ta mère qui était disquaire. Ouais. Écoutez un peu de tout, du jazz, Boléro de Ravel, il y a des trucs des 70, avec Vassilu, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut. Oui, ça c'est un tube. Oui. Est-ce que la chanson française était présente ou plutôt américaine? C'est plus tard que j'ai découvert la musique francophone. Ouais. Quand je faisais du punk ou la new wave, c'était plutôt The Cure, les Clash. Alors, des groupes plus obscurs comme je sais pas, mais c'est un peu c'est vieux. Hein. Les Dogs, est-ce que tu connais? Les Dogs, le groupe rouennais, ouais. Ok. Mm. Et puis? Et puis, les Roadrunners. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Marquis de Sade. Ah oui, mais ça c'est pas punk là. Non, c'était New Wave, mais moi je faisais entre les deux. Ah oui. C'est des gens qui viennent de. De quelle région donc? Parce qu'il y a eu beaucoup de musiciens dans ce style-là. C'est breton. Et voilà, Bretagne, c'est ça. Marquis de Sade, j'en écoute encore, c'est quelque chose. Ouais. C'est mythique. Ouais. Ah, j'aimais bien le côté punk pour l'énergie, un peu pour la désinvolture. Et Marc Sébin, par exemple, c'était plutôt intéressant pour les textes, avec un côté Rimbaud un peu plus plus fin. Quoi. Du punk anglais ou du punk français? Anglais. Clash et tout ça. Les Clash. Puis aussi les Bérus. Oui. Mais à un moment donné, j'en ai eu marre parce que je trouvais ça un peu lourdin quand même. Vers la fin? Vers la fin. Disons que j'aimais bien l'énergie, le truc des Bérus, du Big 88 pour le. Le maquillage aussi. L'érusion, voilà. Mais sinon, au final, l'anarchie aussi. Mon héritage, c'est plutôt la musique pop, du style des Beatles, Blur. Ok. Blur, c'est quand même assez récent. Oui, c'est plus récent, ouais. Donc, on peut dire que c'est un peu grâce à ta mère si tu t'es adonné à écouter de la musique. Peut-être. Inconsciemment. Inconsciemment, ouais. Non, puis j'ai un souvenir aussi comme ça. J'étais à l'internat. Ok. Pourquoi? Parce que tes parents... C'est mon père, oui, parce que mes parents ont divorcé, et moi je suis allé avec mon père, et ma sœur était allée avec ma mère. Ok. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Voilà. Et mon père m'a envoyé directement à l'internat. Donc je faisais la bijouterie, la bijouterie. C'est marrant parce que souvent j'en parle. On peut être, se sentir exclu dans son propre pays. Ouais. Parce que je suis né en banlieue. Ouais. Après, mes parents ont déménagé en Normandie, mais on a un petit village, enfin à Cherbourg. C'est ce qui nous amène en Irlande. Voilà. Ben oui, et je suis allé. Et là-bas, on me considérait c'est peu comme... C'est beau, Cherbourg. Ouais, mais il se passe rien. Il se passe rien, oui. Il se passe rien, à part qu'il y avait mes grands-parents, tout ça. Et une fois là-bas, en fait, j'étais considéré un peu comme le banlieusard, un peu gaillard, quoi. Alors que bon... Après, quand j'étais à Cherbourg, à l'internat... j'étais à la petite école. Après, on est allé à Caen, une ville plus grande, et du coup là, on me prenait pour le paysan, chacun de Cherbourg. Ouais, on est toujours quelque chose à un moment donné. Malgré nous, ouais. Et après, je suis de nouveau à la Charbourg dans l'internat. Et là-bas, c'était assez testostéroné. Enfin, il y avait vachement, c'était du hard rock, Queen. C'est assez costaud. Voilà, ouais. Et moi, à l'époque, j'étais un peu une considérée comme. J'étais le PD. Ah oui, ok. Ouais. En même temps, j'avais un pote qui ressemblait à un arabe. Je sais plus comment il s'appelait. Donc les mecs, ils voulaient lui casser la gueule parce qu'il était arabe. Et moi, ils me traitaient de sale facho parce que mon père était flic. Ok, ah bah oui. Donc, ouais, je cherchais la cohérence. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Et voilà. Et mon chien, j'avais peut-être 14-15 ans, et à l'époque, je me dis, ah, j'aimerais bien écrire une chanson sur ce que je vis là, sur cette incohérence, sur cette. Voilà. Et sur ce rejet. Voilà. Et au final, c'est que maintenant, parce que récemment, que. Comment dire. Parce que j'ai commencé par la basse, après, je fais de la guitare. Enfin, c'est plus compliqué. Et du coup, je me souviens, à l'époque, je fantasmais sur. Ah, si je pouvais faire une chanson. Et à mon avis, c'est là que ça a dû. Ça, c'est quoi, ça, 17 ans? Ouais, j'avais 15 ans, ouais. Mais je crois qu'on fait des trucs, on le décide inconsciemment un jour, et après on finit par le faire avec les années. Et on comprend plus tard après pourquoi on est arrivé à ça. Il n'y a pas de hasard. Non, mais il y a un cheminement. La vie est un cheminement. Ouais. Mais tu l'as composé à la guitare, comment t'as fait? T'étais... À l'époque? Ouais. Non, mais à l'époque, la première chanson, non, mais à 15 ans. Non, mais à l'époque, je n'avais pas encore fait de musique. Ok, c'est quoi? C'était plutôt poétique. Tu voulais écrire un texte? Bah, en fait, quand j'étais gamin, je me souviens, j'ai écrit des petits poèmes, des petits trucs. Puis je dis, ah, ça, c'est pas pour moi, finalement. Voilà. Après, je me suis mis au clavier. Ah, oh, c'est pas pour moi. Ça, c'est quel âge, le clavier? Peut-être 15-16 ans, ouais. OK. Après, je me suis mis à la guitare. Je dis, ah, c'est pas pour moi. Et après, je me suis mis au chant. Je chantais un petit peu. Ah, c'est pas pour moi. Après, j'ai trouvé la basse. Donc, j'ai fait de la basse. Et une fois, j'ai vu que, bon, la basse, c'était vachement dépendant des groupes. Ouais. Voilà. Donc, je me suis tu peux pas faire une carrière uniquement en basse et voix. Ou alors, il faut rembourser, puis avoir l'achat, puis faire des contacts. Et puis, non, mais tu peux pas uniquement faire la carrière basse-voix, monter ça. Sur scène. Sting non. Avait quand même un groupe, il était pas seul. Oui, puis il chantait. Oh, oui, c'est ça. Et c'était Sting. Et surtout. Espérance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Je me suis mis à la basse, après je me suis mis à la guitare. Une fois, je me suis mis à la... enfin, après, j'ai... parce que j'ai rencontré une fille qui s'appelait Sylvie, après elle s'est mise au chant. On était dans un groupe parce que je virais. Alors, c'est Sylvie qui t'a un peu amené à la musique Non, c'est plutôt moi, c'est plutôt elle. Okay. C'est moi qui l'a. Okay. Parce que j'avais un groupe, elle voulait pas chanter à l'époque. Elle okay. dit ouais, il y a une chanteuse qui vient de partir, est-ce que tu veux la remplacer? Puis elle est venue, voilà. D'ailleurs, tu dois la connaître parce que maintenant elle fait les Brigitte. Pardon? Maintenant elle fait les Brigitte. Ah oui, ben oui. Hum. Ben oui, ok, oui. Donc voilà. Et donc après, je me suis mis à la guitare pour composer vraiment pour la chanson. Hein. Et puis après, je me suis mis un peu au clavier. Parce que après l'union, c'était. À un moment donné, c'était. Mais les Brigitte, c'est le duo là. C'est le duo, ouais. Ah, ok. Mm. Et c'est laquelle? C'est la petite. Ok. Ils sont rendus, ils préparent leur troisième album. C'est ça, ouais. Ouais. Mm. Et. Après, je me suis mis au clavier. Après, avec Sylvie, on a splitté. À l'époque, c'était Vendetta. Donc, du coup, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Après, j'ai essayé de retrouver une chanteuse. Ça ne marchait pas. Et puis, c'était. Il y avait du boulot. Et après, il dit bon, après, je vais chanter. Donc, après, je me suis mis à chanter. Après, je. Je demandais les textes aux gens. Parce que tu n'écrivais pas. Tu m'as. Ouais, des petites idées, okay. Mais voilà. Il n'y a rien de structuré pour avoir une chanson. Ouais. Et en fait, c'était quoi, deux ou trois, quatre ans où vraiment j'écris mes propres textes. Ok, oh, c'est quand même assez récent. Ouais. Bah, Disons que j'aime bien faire les choses, comment dire, quand je quand c'est à peu près. Ouais, comme le temps, ouais. Tu veux rien provoquer. Oui, enfin. Ouais. Et voilà, au final, je trouve que c'est, ce sont les événements qui font en sorte que tu fasses des choses. C'est ça, qui déclenchent quelque chose. Qui déclenchent, ouais. Et c'est pour ça aussi que si tu veux des rencontres, Oui. C'est des ruptures. Ouais. Et quoi qu'une rupture, ensuite, va créer une autre rencontre. Et voilà, une rencontre, et ainsi de suite, ouais. C'est des morts qui amènent une naissance, une renaissance. Oui. Et finalement aussi, j'ai fini par écrire, en fait, c'est parce que j'ai vécu des trucs. Ok. Douloureux. Bah, oui, c'est douloureux, ouais. En même temps, douloureux, mais en même temps, comment dire, socialement moins intéressant. Par exemple, le dernier texte que j'ai écrit s'appelle « Tendez-moi où est court, mettez-moi tout sur le dos, je ne pèse pas bien lourd, la mort c'est pour bientôt, faites battre les tambours, tatatata. » Non, parce qu'en fait, j'ai rencontré une nana très très jolie, elle avait la beauté du diable. Et une des plus jolies qui je suis sorti. Mais la première fois que je l'ai vue, je me disais, t'as une tête d'ange, mais il y a un truc qui tombe pas rond. Ouais, il y a diabolique, il y a quelque chose de diabolique entre eux. Diabolique, ouais. Les fleurs du mal. Voilà. Ben oui, oui, c'est... il est à côté. Voilà. Et au final. Si tu me touches, tu te boules, c'est ça. Hein, ouais, ouais, c'est compliqué. C'est ça, ouais. Elle se disait ça inconsciemment, sans doute. Si tu me touches, tu te brûles. Ouais, elle a quand même passé 10 jours à Saint-Anne. Ah oui. Elle était réellement. Peut-être prendre un café. Tu prends un café? Et non, pour moi, un artiste, en fait, il doit vivre des choses pour pouvoir les recracher. Recracher, ouais. Et je pense qu'inconsciemment, des fois, tu recherches des trucs. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu veux vivre l'aventure pour pouvoir avoir le jus pour créer quelque chose. Et en fait, avec de cette expérience, j'en ai fait 4 chansons. Le fruit du hasard. Par exemple, ça fait 10 mois, ça donne des bleus, faut pas tout contrôler pour tomber amoureux d'une fleur dérangée. En fait, ça parle ouais, de cette fille. Voilà. Et au final, je savais bien que je mettais un pied dans un truc dangereux. Et en fait, c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Ouais. Enfin, Même en sachant que le choc allait être difficile et pénible. Ah ouais, je sentais qu'il y avait un truc. De toute façon, on sent les choses. Hein. Bah, quand même, on va passer des histoires un peu bizarres, mais. Non, non, non, vas-y. Alors, j'étais avec ma fille. Elle voulait fêter l'anniversaire de ma fille. Il y avait une copine à elle. Et à un moment donné, elle avait un peu trop bu. Elle va au lit. Et 10 minutes après, elle se lève et puis elle tape tout le monde. Ok. Voilà. Ah ouais. Enfin, sauf ma fille quand même. Ah ouais, non, mais ouais. Ouais, ouais. Mais ça peut. C'est des choses qui, dans le milieu underground, peuvent arriver. C'est, oui. Mais. Alors, à l'âge de 17 ans, tu as écrit ta première chanson. Sans savoir, un texte. Ouais, oui, voilà. As-tu attendu pour écrire la musique de connaître davantage un instrument pour... Non, en fait, comment dire. Non, parce que j'avais un copain qui était borgne, okay. Qui était un peu spécial. Okay. Tout le monde avait peur de lui. Et lui m'a. Il y a longtemps, j'avais peut-être 16 ans, à un moment donné, j'ai fui mon père, enfin, je suis parti. Il m'a viré. Okay. Et j'ai passé 6 mois avec un mec dans une maison à faire de la musique. Ouais. Lui, j'ai des claviers. Puis des fois il venait pas là, puis j'ai utilisé son clavier, mais en fait j'ai commencé. À un moment donné aussi, même maintenant, je fais tout en même temps. Ok. Je fais l'arrangement, la suite d'accords. Alors parce que tu entends quelque chose et tu veux accoucher de ce que tu entends. Bah, c'est comme l'histoire que je vis avec cette nana qui était hier, c'était borderline. En fait, pendant 3 mois, j'ai pas trop fait de musique, et à un moment, je lui dis, là, ça va sortir. Que ce que j'ai vécu, ça va sortir. Ça peut pas faire autrement. Voilà. Et en effet, un jour, je me suis mis à écrire et en bout de 2 heures, j'avais écrit un texte. Comme une figure, alors que d'habitude, je mets vachement de temps à écrire les textes. C'est les mots qui arrivent et la musique après? En ce moment, ouais, plutôt, ouais. Plutôt, je écris le texte et après, je fais la musique, ouais. Mais la musique arrive comment? C'est les mots qui chantent avec la... Bah, en fait, c'est... Dès qu'on a un truc dans le ventre, truc qui est c'est viscéral, quand cela sort, ça sort. Ouais. Et là, c'est... Ouais. Alors que je n'ai rien de contrôlé là-dedans. Voilà. C'est pour ça qu'au final, pendant 7 ans, j'avais ma copine et... C'est vrai qu'avant, j'ai un peu angoissé parce que je dis, bon, ma vie, ça va trop bien. Enfin, c'est louche. C'est louche. Ça doit pas rester comme mais ça. Du coup, je continue à faire de la musique, mais c'était plus laborieux parce que j'étais dans le... T'étais dans la rêverie et non pas dans le côté punk. Exactement, ouais. Ouais. Toi, il faut que tu vives quelque chose de punk pour pouvoir réagir et cracher quelque chose. Ouais, même sur scène, sur scène, c'est légitime. T'es là pour. Ben oui. Je déteste faire semblant. Mais t'es pas là pour endormir les gens, t'es là pour les réveiller. pour proposer aussi une tranche de vie que toi. Alors, en même temps, j'aime pas imposer. C'est-à-dire que les textes. Moi, quand j'écris un texte, c'est, j'aime bien les images. Comment dire J'aime pas imposer un récit, c'est pas un rapport de police. Non. J'impose des images. Okay, et avec les images, comme un film, tu entends fais ce que tu veux. C'est des métaphores que métaphores, tu amènes. Ouais. Ouais, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées? Oui. Bah oui, c'est les mots. Donc, tu sais pas où tu t'en vas souvent, mais c'est à travers la structure langagière que toute l'histoire commence à se peaufiner. Ouais, bah, c'est comme une sorte de puzzle, ouais. Ouais. Es-tu surpris souvent de ce que tu écris, après coup? Ah bah ça, c'est le meilleur moment. En fait, c'est quand le meilleur moment, c'est un peu quand t'es dans la lâcher prise, et puis ça sort tout seul, et après... C'est la transe de l'écriture. Ouais. Mais ça arrive pas souvent, c'est difficile, hein, ce lâcher prise. Et sur scène aussi, c'est ce que tu recherches, la transe? Oui, sorte de lâcher prise, transe... C'est exagéré? Non, pas trop. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai un souvenir de concert, où ça chauffait dans le ventre. Enfin, et puis c'était voilà. Et puis je voyais dans les yeux des gens une sorte de communion. Ok. T'as l'impression de rentrer. C'est l'impression de rentrer dans le temps aussi. Il est suspendu. Ouais, c'est ça. Mais lorsque la transe est réussie, c'est que quand tu reviens à toi, tu dis hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu as même un blanc. Tu sais pas vraiment. Oui. Enfin, t'es une sorte de comme dans l'hypnose. Ouais, un peu l'hypnose, ouais. Mais en même temps, t'es dans le contrôle. Enfin, un certain contrôle. Contrôle. Ah oui, c'est ça qui est parce que non seulement t'es dans la lâcher prise, mais en même temps, tu sais ton corps, tu sais trop ce qu'il faut faire. Oui, parce que ça c'est l'habitude, c'est parce que c'est rodé, c'est. Ouais. Mais pour pouvoir rendre ça plus vivant, plus trippant, plus trippant, tu dois laisser aller les choses. Puis la technique n'est plus là, c'est. Ouais. Et c'est le discours entre toi et le public. Oui, mais tout, et puis tout. Et en France, on est très cérébral. Je dis, justement, quand t'es artiste, il faut enlever tes pensées, il faut supprimer ton truc trop rationnel, voilà. Et le jour où tu... Parce que ton cerveau, il travaille tout seul. Hein. Toujours. Ouais. Tu dois le laisser venir. Oui. Comme disait Alain Bachung, laisse venir. À l'âge de 15-16 ans, étais-tu attiré un peu par la chanson française parce que tu écris en français? À l'époque, non, c'était plutôt... Clash, comme tu me disais, Ouais, après, mais c'est pas moi qui chantais à l'époque. Il y avait un chanteur qui... Après, mon truc musical a vraiment commencé quand j'ai rencontré cette fille, parce qu'en plus, c'était ma propre musique. Mais à l'époque, on chantait en yaourt. Ah oui, ok, oui, c'est plus facile, hein? Voilà. C'est... un souvenir comme ça, c'était en Normandie. On va dans un bled, c'était vraiment dans la campagne profonde. Et on arrive, et là, il n'y avait que des Anglais. Ok. Et nous, on chantait en yurt. Oui, c'est ça. Mais... Voilà. Il y a eu peur. Donc. Mais au final, il. Ça ne les dérangeait pas. Enfin, Trouves-tu que depuis le début, avec les groupes que tu as eus, il y a une certaine évolution? Ou si tu veux défricher à chaque fois des nouvelles choses qui te. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution ou si tu essaies de trouver d'autres amis à chaque fois qui n'ont aucun lien avec le début? Ouais. Es-tu du genre à poursuivre le chemin ou à vouloir aller ailleurs? Je me suis aperçu que j'aimais une musique qui était. Comment dire? Il y a une certaine révolte, une certaine rébellion, un non-conformisme. Ok, ouais. On ira loin d'ici, à des années-lumière. On roulera toute la nuit, s'il le faut, dans le désert. On ira loin de tout, voir comment on s'y perd. On ira jusqu'au bout, sur des routes. Comme des pachas, oh mon trésor, on reviendra, les mains pleines d'or. Comme des pachas, oh mon trésor, on reviendra, les mains pleines d'or. On passera le sable au crible, tel des crabes affamés. Mer invisible pour atteindre des sommets. Tous les chemins sont bons pour une vie de château. Peu importe si c'est con, de l'Eldorado, comme des pachas. Oh mon trésor, on reviendra, les marins d'or, comme des pachas. Oh mon trésor, on reviendra, les mains pleines d'or. On ira loin d'ici, à des années-lumière. On roulera toute la nuit, s'il le faut, dans le désert. Comme des pachas, oh mon trésor, on reviendra, les mains pleines d'or. Comme des pachas, oh mon trésor, on reviendra, les mains pleines d'or. L'anarchie. Pas d'anarchie non plus. Ok, voilà. Non. Je suis pas anarchiste. Ok. Parce que l'anarchie, c'est un truc de très droite. Ok. Les libéraux sont. Bon, après, il y a plusieurs anarchies. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais le non conventionnel, enfin, je déteste la. Bourgeoisie. Ok, ouais, ouais. Est, ouais. Le confortable, le côté confortable. Le confortable et le côté consensuel. Ouais. L'indifférence aussi, là, oui, dû ouais. Au fait que tu es confortable, que tu es ouais. Assis sur tes, sur tes lauriers. Et. Es-tu dans l'urgence de faire des albums, de faire où tu laisses aller? Bah, on a changé d'époque. Donc, ça va être plus dans la même époque. Puis, ça fait un an et demi où j'ai passé des épreuves un peu terribles, hein, parce que j'ai perdu mon producteur, qui est décédé. Okay. C'était Francis Cacachian qui a fait Rachita, Femi Kriti, tout ça, ouais. Et il y a 3 mois, c'est mon éditeur, manager que je connais depuis 20 ans qui est parti. Okay. Aussi, ouais. Okay. Et là, c'était terrible. Okay. Alors, c'est des coups durs encore. Ouais, je me cramais, enfin, c'était horrible. J'ai pris des thémostats, je me suis bourré la gueule avec des avocats. Okay. Alors, c'est vraiment pas évident ces temps-ci. Non, pas ici. Mais ouais. En même temps, voilà, c'est la vie à reprendre. En même temps, je dis, c'est un nouveau départ, quoi, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Mais c'est ouais. Difficile, hein, quoi. Mais c'est-tu un peu vers où tu te diriges ou tu laisses les chemins arriver vers toi? Un peu comme en voiture, tu vas voir deux. À un moment donné qu'il y a des. Les deux, c'est. En fait, en ce moment, je me suis mis aussi à l'image. Et sinon, il faut tout faire dans ce monde. Hein. Ah oui, mais il faut être orchestre, un homme orchestre. Oui, maintenant, c'est... Bah oui, oui. Mais en même temps, c'est intéressant aussi. Oui, oui, parce que tu apprends aussi dans n'importe quel à mixer, à te débrouiller avec ce que d'ailleurs, tu d'ailleurs, c'est addictif, les images. Hein, parce que du coup, ça... J'ai mon texte, ma musique, et avec des images, c'est comme si je mettais du relief. Ouais, c'est ça. Une autre. Oui, parce qu'il y a deux réalités voilà. Qui se collent qui se et collent. Qui amènent des fois un autre discours. Oui. C'est pas juxtaposé, ça colle pas. Ou on essaie que ça procure autre chose. Comme je te disais, puis t'as pas vraiment répondu. Est-ce que ce que tu écris, des fois, te surprend? Oui. Moi, j'avais une sorte de fulgurance où je me laisse, comment dire, vraiment... Écriture automatique. Ouais, une sorte de écriture automatique, ouais. Qui, parce que, en fait, moi, j'écris par petits bouts. J'écris une petite phrase, petite phrase par là, des data. Mais t'as des flashs, souvent? Pas des flashs. Mais j'ai surtout vécu des synchronicités. OK, ouais. Tu vois ce que c'est, les synchronicités? Oui. C'est des coïncidences exagérées. Oui. Et ça, j'en ai vécu un petit paquet, ouais. Et... C'est pour ça après je me suis intéressé à Carl Jung. Oui. Puis après au quantique, avec Eric Quantique. Mais il y a Carl Jung, c'est récent. Je m'intéresse à Carl Jung. Oui. Ouais, parce que j'ai vécu des synchronicités. Okay. On me dit qu'est-ce que c'est ça enfin, Ok. Alors tu étais voir. Voir. Et puis est-ce que ça t'a surpris? Ce que tu as appris de Carl Jung, de sa vision, de sa théorie surtout? Bah, c'est un peu comme si inconsciemment on savait un petit peu. Oui, mais c'est surprenant, oui. Ah parce oui, Puis en plus, c'est le. Comment dire, c'est même pas. C'est une nouvelle avancée scientifique. Je trouve que Carl Jung est bien plus proche de la réalité que Freud. Oui. Mais c'est pour ça qu'ils se sont dissociés à un moment donné. Ouais. Il n'y avait plus de lien qui tenait. Jung est beaucoup plus dans l'actualité aujourd'hui que Freud. Freud, on a à peu près démenti la majorité des trucs. Oui, parce que ces trucs avec le deep, pas tout ça. Oui. Puis Freud a mis la femme comme un état. C'est vrai qu'on peut. Oui. Mais il y a beaucoup de formules jungiennes qui tiennent le coup aujourd'hui encore. Ouais. Mais en ce moment, ma phrase, c'est... De Carl Jung? Non, non, de, okay. En parlant de cette société oui. actuelle, les gens n'ont ni les pieds sur terre, ni la tête dans les étoiles. Ça, c'est de toi. Ouais. Parce que, justement, comme j'ai perdu mes amis musicaux, enfin ceux qui étaient là pour... ils m'ont fait signer chez Barclays, c'est Universal. Maintenant, je suis un orphelin. Ah oui. Ouais, un orphelin. Qui t'ont épaulé, qui t'ont amené vers oui, d'autres oui. chemins. Ouais. Ils m'ont quand même fait signer chez Barclay. Enfin, ouais, ouais, assez... ouais. Mais est-ce que tu es encore. As-tu un lien avec Barclay? Ah non, parce okay. que tu es. Ça, c'est dans les années 90? 90, ouais. Ouais. 2003. Ok. 2003. Et tu as fait un album avec Barclay? Deux, mais il y en a un qui n'est pas sorti. Ok. Ouais. Un vrai et un qui aurait pu. Oui, voilà. Et l'autre qui n'est jamais sorti, est-ce que tu l'as ressorti par la suite? Oui, oui, bah c'est frustrant, ouais. Ça fait 3 ans, je travaille 3 ans sur un album et puis finalement il sort pas. Mais est-ce qu'il est sorti là? Non. Tu l'as jamais sorti? Non, c'est Sylvie qui n'a pas voulu sortir. Parce... Ah, les droits d'auteur, puis ça, les droits de. Ouais, les droits d'Arcade. Bah, je sais plus ça. Et sur scène, est-ce que tu les chantes? Non, non, non. Non, bah ça, c'est mon ancien groupe. C'est pas assez Vendetta, c'est. Alors, tu les as catapultés. Oui, voilà. Alors, ouais. T'as perdu du temps sur cet album-là qui n'a jamais sorti. Ouais, mais t'as pas. Ou ça t'a fait progresser quand même? Bah, tu passes à autre chose. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça fait progresser aussi, après progresser, oui. Enfin... Mais de toute façon, il y a du bon aussi dans les échecs. Hein. Oui, oui, ben oui. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Oui, oui. Mais j'aimerais savoir combien d'albums que tu as actuellement. Parce que là, j'ai vérifié, on dit trois. Ah bah, avec mon ancien groupe, on a fait 3 puis des autoproduits. Et Fergus, un seul chez Pias. Et puis. Puis Barclay. Non. Barclay, ça fait partie de ça? Ah non. Bah, avec Fergus, c'était chez Pias. Ok. Et avant, c'était chez Barclay, mais avec Vendetta, avec mon ancien groupe. Où j'étais, Alors, en tout, combien d'albums? 5-6. Attends. Bah, 3 autoproduits, mais c'était des singles oui, ou ouais, ouais. quelques titres. Ouais. Un vrai album qui s'appelait Drôle d'idée. Après un album qui n'est pas sorti. Et puis là, avec Fergus, un album qui s'appelait Les radios du jeu. Ok. Chez Pias. Et trouves-tu que tu tournes assez sur scène? Tu fais combien de spectacles par année? Une trentaine, une quarantaine? Bah, les dernières, j'en ai fait quoi? Peut-être ouais, une trentaine, ouais. Ok. Et quoi, c'est des festivals, c'est des gens qui te demandent, des copains qui te... Bah, en fait, ça fait 5 ans que je compose, parce que puis j'avais mon éditeur, et puis mon éditeur, il cherchait une signature. Je fais une major. Et à un moment donné, lui, il voulait absolument le single, et là, je me suis dit, bon, j'arrête de composer, j'arrête d'arranger, je me mets à chercher des concerts et à jouer, quoi. Parce que il faut montrer ce que je fais quand même. Voilà. Ouais. Parce que c'est après les études. En fait, ça fait des années que je suis dans ma grotte. Et là, ah oui, c'est voilà. ça. Je veux montrer devant le public. Là. Je veux pas faire mon Gérard Manset moi-même et rester dans mon studio. Oui, voilà. Tu connais Gérard Manset? Oui, oui. Okay. Ah lui, il reste toujours dans son studio. Fait, il n'a jamais fait de spectacle. Ouais. Il dit je ne suis point un être de cirque. Pour lui, faire monter sur scène, c'est comme aller voir des lions en cage. Le public va voir quelqu'un qui n'a pas de temps. Oui. Mais en même temps, il s'est tiré dans l'aile parce que, je vais t'expliquer, quand il a vu les grands espaces d'Alain Bachon, il s'est dit on peut aller ailleurs. Et il a voulu aller ailleurs, mais il n'y avait plus personne qui voulait suivre. Mais on l'attend sur disque, mais on ne l'attend plus sur scène. On a 3 photos de lui, hein, en réalité. Là. Il s'est tiré dans le pied. Voilà. Et toi, est-ce que tu peux me dire la différence entre la scène et le disque? Comment tu travailles les deux? C'est autrement, c'est pas la même chose. Quand tu es sur scène, quand tu joues cette chanson, elle est finie. Bah, tu délivres un truc sans... C'est du vivant. C'est vivant. Bah, tu t'envoies quelque chose. Ouais. Bah, en plus, tu touches parce que... Il y a un retour aussi. Là, tu peux ah oui, oui. Ouais. Un retour, c'est... Voilà, c'est Tandis que quand tu fais un... Tu es en studio, tu as un micro, puis là, il y a le mixeur qui dit « OK, parfait, t'es prise. » Tout seul. Oui, t'es tout seul. On le garde, on ne touche pas. Ah, puis... C'est très intime. Ouais, ou très... je me suis trompé à la guitare, on va recommencer, mais sur scène, tu peux pas recommencer. Ah, non. Mais c'est ça aussi qui peut aller plus loin. Si je me trompe, on a un public, on continue. Oui. Gainsbourg disait « Même si on se trompe, on continue. Oui. On n'arrête pas. Oui. » Hein? Même quand il avait des étudiants, où, parce qu'il a déjà enseigné un peu le piano à des amis, il dit, si tu te trompes, c'est pas grave. Tu y vas, il faut la terminer. Même si tu croches, tu dois la terminer. Oui. De A à Z. Oui. Donc après ça, c'est pas grave, c'est la pratique. Oui. Mais joue-la au complet, puis surtout, commence pas, arrête pas, puis recommence. Parce que c'est pas évident, parce que dès que tu bourres dans les paroles ou tu fais un pain, en fait, il faut vite te détacher. Ah, faut pas que j'y pense. Voilà, tu passes à la suite. Mm-hmm. Et des fois, t'as les musiciens qui. Ah, qui a se bloqué. Ah, je me suis trompé. Je t'en fous. Continue. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, tu te rattrapes. Ah, mais ça, t'as la version Gainsbourg, là, c'est pas pire, ça. Ouais. C'est intéressant, ça. Bah, mais parce que sinon, on n'avance jamais si on recommence au début. Oui. Il faut la faire au complet parce que, à un moment donné, sur scène, on va finir par la finir, cette chanson-là. Puis si on a juste commencé entre amis, si on a juste fait le début, la fin risque d'être assez. Ouais. En fait, par exemple, quand je fais une chanson pour que je la connaisse bien et pour que je l'ai en main, en fait, je m'assois, je joue ma guitare, puis je chante, je regarde la télévision, je lis. En fait, Tu te distrais. Voilà, il faut que quelqu'un rentre et par exemple que je sois dans mon truc, il faut qu'un me distrait. Ouais. Et l'IA, je tiens. Parce que quand le morceau, si tu ne tiens pas vraiment, au moins un petit truc, ça va te contrarier. Ah oui, c'est ça, ouais, ok. Ouais. Quand tu es trop concentré, à un moment donné, tu sais, si sur scène, il y a quelqu'un qui. Arrive quelque chose, une petite anomalie, ben là, ça va me rendre un peu. Ça va me stresser. Tandis que si chez moi, là, il y a des enfants qui passent à crier, ou on sonne à la porte, je continue. C'est quand, encore là, on part dehors puis on se rend à zéro. Voilà. Bah, c'est comme en voiture. Oui. Parce que mine de rien, un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui travaille peu. Oui. Bah. Bandez-moi haut et court, mettez-moi tout sur le dos. Je ne pèse pas bien lourd, la mort c'est pour bientôt. Faites battre les tambours jusqu'au fond des caniveaux. Venez au retour, mon cœur en petits morceaux. Non, ne me parlez pas d'amour, on ne joue pas dans la main. Ne me parlez pas d'amour, on ne joue pas dans la même cour. Vos lieutenants de port, aux mille sourires amers, dit Satan Gatibor, moi qui ai eu la mer, la corde autour. Arrachez-moi les ailes, ouais, de papotille. On bat de l'aile, avec la peur de plus revenir, voir le ciel comme on saute à la marelle, fumer une cigarette, comme dernier souvenir, que garderas-tu l'essentiel, si les plaisirs devaient s'enfuir, vers l'autre rive au bout de la passerelle, j'aurais pas le malin, tu m'entendras te dire. Tu n'as jamais été aussi belle que le jour où j'ai failli partir. Tu n'as jamais été aussi belle que le jour où j'ai failli partir entre les nuages, mon hirondelle, je serai dans la fenêtre de tir. Laisse-moi me vautrer encore dans tes filets. On n'est jamais sûr du calcul d'heure des marées. Tu n'as jamais été aussi belle que le jour où j'ai failli partir. Tu n'as jamais été aussi belle que le jour où j'ai failli partir. L'été viendra, ne t'en fais pas. Je n'aurais plus envie de crever. M'en prendras-tu de nouveau dans tes bras? On n'est jamais sûr du calcul d'heure des marées. Tu n'as jamais été aussi belle que le jour où j'ai failli partir. Tu n'as jamais été aussi belle que le jour où j'ai failli partir. Tu n'as jamais été aussi belle que le jour où j'ai failli partir. Tu n'as jamais été aussi belle que le jour où j'ai failli partir. La peur au vent de tout rater. Faut défiler, tout avaler. Pour rien au monde, rien manquer. Paniquer de passer à côté de la vérité, de la vraie beauté. Que ces jours sont tristes quand viennent les touristes. Ils promènent leur destin dans les mêmes jardins. Dans les mêmes jardins. Dans les mêmes jardins. On ne s'appartient plus, revenu tout. On est perdu, on sait même plus. S'étonner, tous condamnés dans les longs couloirs acheminés. Prisonniers dans les musées. Que ces jours sont tristes quand viennent les touristes. Ils promènent leur destin dans les mêmes jardins. Dans les mêmes jardins. Dans les mêmes jardins. C'est rester serré, restant groupé, hypnotisé. Pas possible de se défiler. Faut défiler. Faut défiler. Que ces jours sont tristes quand viennent les touristes. Ils promènent leur destin dans les mêmes jardins. Que ces jours sont tristes quand viennent les touristes. Promènent leur destin dans les mêmes jardins. Dans les mêmes jardins. Dans les mêmes jardins. Regarde, quand tu apprends à conduire, ouais. En fait, tout ton cerveau, il... Ah oui. Je passe ça, le volant... Ah oui, surtout quand t'es manuel, parce que là, tu fais la voiture manuelle. Quand c'est manuel, c'est hallucinant. Et au final, après, quand tu sais bien conduire, ton cerveau, tu peux parler à ton voisin. Ah oui, c'est ça. Tu peux jouer sur la radio, essayer de trouver une chaîne ou une musique qui t'intéresse. En fait, c'est un peu la même chose. Alors que le... Alors que là, le studio, c'est plus... du coup, quand tu es en studio, là, c'est un peu plus cérébral pour le coup. Là, quel son je vais choisir, quel piano, enfin, là, c'est plus... La sonorité, la texture, la facture. En fait, finalement, le moment où je travaille, c'est quand je vais m'endormir. C'est les moments où tu es un peu... tiens, qu'est-ce que je vais faire comme ça? En rêverie, quand tu rêves. C'est un peu là que, quand tu travailles. Et, voilà. Et quand tu te mets à composer ou sur scène, en fait, tu travailles plus. Enfin, tu laisses aller ton... L'imaginaire. Ouais. Les albums que tu as faits, parce que l'autoproduction, des fois, le problème, c'est les sous, donc on n'est pas content du son. Ouais. Mais l'album que tu as fait avec Barclay, aujourd'hui, quand tu le réécoutes, es-tu content encore de ce que tu as proposé? Avec mon état ou... Non, mais celui qui est sorti. Ah, bah, le dernier, bah, oui. Avec Fergus. Oui, putain. Bah, justement, je l'ai là. Ah merde. Bisous, il tombe. Ah, phew. Ok. Bon, ça, c'est un promo. Mais... Ok. Ça, c'est version Gainsbourg. Ça. Un peu, ouais. Ouais. Bah, c'est bon, Es-tu beaucoup. On t'a demandé de faire ça, cette photo-là, ou si c'est toi qui l'as décidé? Non, c'est le graphiste de Bachung. On a fait plusieurs séries. Et graphique de Bachung, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, c'est le mec qui travaille pour Bachung. Ah oui? Et quel album? Qu'il a fait le... Alors, je sais plus, c'est marqué derrière. Hein. Je vois plus. Hein. Ok, je vais vérifier. Mais il a voulu faire Love on the Beat, c'est un peu Love on the Beat. Un petit peu, ouais. Est-ce que tu te souviens Love on the Beat? Il y a même une femme, mais il y a la boucane de... Est-ce que Gainsbourg t'a inspiré un peu, ou si tu as aucun maître, aucune référence? Bah, c'est vrai que souvent les gens me comparent à Gainsbourg. Pourquoi? Je sais pas. Bah, pourquoi? Bon, attends, non, mais je crois que... Les collections. Mais est-ce que c'est à force de te le faire dire que tu es venu à cette réflexion-là? Ou si tu savais au départ que tu avais une affinité avec Gainsbourg? Non, mais c'est marrant parce que Gainsbourg, par exemple, il avait dit autant quand j'étais gamin, ma vulnérabilité m'a détruit. Enfin, ça oui, détruisait. Oui, oui, et oui. Plus tard, en fait, c'était sa force. Oui. Mes faiblesses font mes forces, voilà, c'est ce qu'il disait. Et mon album que j'ai envie de sortir maintenant, qu'il s'intitule Vulnérable. Justement. Oui, vas-y. Je sais pas, mais. Non, mais j'ai jamais voulu copier Gainsbourg, c'est pas mal forcément. Après, j'adore ses chansons, puis son état. Enfin, comment dire, ça fait ouvrir les choses aussi, ouais. Mais. Mais pardon. Après, on compare aussi à Mieux Sec, donc du coup, ça me rassure. Enfin, j'ai pas envie de. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, les gens aussi ont toujours besoin d'une référence. C'est plus rassurant, hein? Mais toi, est-ce que ça te fait chier d'avoir des références? Parce que je suis pas Mieux Sec, je suis pas Christophe Mieux Sec, je suis pas Serge Gainsbourg. Bah oui, non, ça m'énervait quand mon album est sorti, dans les rock, dans les magazines, on comparait à Gainsbourg-Biolay. Biolay, le chanteur, ou Biolay, toi? Non, chanteur. Ok, bon, ouais. Là, c'est vrai que t'as tendance un peu à peine. En même temps, c'est flatteur, mais en même temps, un peu agaçant, parce que dis-moi, Oui, mais c'est sûr, on attribue aussi à Biolay le fait qu'il ressemblait aussi à Gainsbourg. Il aussi, oui. Donc, à un moment donné, quand t'es un peu plus underground, tu rentres dans le catalogue ou dans le tiroir de Gainsbourg. Oui, oui, oui. Brigitte Fontaine, c'est le Gainsbourg féminin. Et elle se le cache pas, donc. Est-ce que Doré, là, c'est typiquement français? Ouais, normand. Ok. Avec un Y. Ok. Ouais, c'est ça, D-O-R-E-Y. C'est vraiment parce que les gens s'imaginent que Doré, c'est d'origine anglaise. Mais en fait, c'est l'inverse. Mais parce que si c'est D-O-R-E accent aigu, peut-être c'est. Du nord de la France, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme le chanteur, Doré. Julien Doré. Ouais, Julien Doré. Ouais. Mais moi, c'est Doré avec un Y, c'est quand même plus chic. Oui, ben. Je trouve que Reynald avec un Y, ça donne. Et le A-Y, c'est mieux que le accent aigu. Je trouve que la classe est là. C'est là. Voilà. Moi j'aime bien quand ça diffère. Hein? Oui. Puis surtout à l'écriture, là, à la typographie, là, le Y, comme Gainsbourg, le G qui l'inclut. Hein? La musique, est-ce qu'elle t'a sauvé de la mort? Ah oui. Encore aujourd'hui. Ah oui, c'est un salut, enfin, c'est une sorte de. Comment dire, une béquille. Hein. Un truc qui aide à vivre. S'il n'y avait pas la musique, il n'y avait pas les filles à l'école, putain. Les filles viennent voir hein, un artiste sur et, ça. Bah, disons l'amour et la musique. Ouais, s'il n'y avait pas ça. Sexe, drogue and rock'n'roll. Bah, en pensant de sexe, moi, je suis pas forcément un pèlerin à côté. Hein. Ok, ouais, ouais. Je suis plutôt. T'es plutôt. Pas romantique non plus, mais. Passionné. Okay. J'aime bien quand il y a un peu de passion. Oh, mais oui. Du coup, quand c'est un peu plat. Ouais, il faut l'effervescence, il faut le côté crash. Tu aimes bien la vie crash. Bah. Il faut que ça gâte. Non, moi j'aime bien la vie. J'aime bien. trouve que les gens sont profondément dans le déni. Ouais, il faut que tout soit lisse, tout propre. Oh, alors oui, que la vie épurée. Voilà, alors que les poètes, ils racontaient aussi, ils parlaient de la mort. Oh oui, ben oui, la vie, l'amour, la mort. Voilà. Et dans mes chansons, en ce moment, je parle assez de la mort. Il y a plusieurs fois, je parle de la mort. Et une fois, j'avais croisé une nana, une manageuse, hein, j'ai fait écouter, elle dit « Oh non, tu peux pas parler de la mort, les gens veulent pas ça. » Mais les gens, qu'est-ce que les... Qu'est-ce qu'elle en sait, qu'est-ce que c'est que les gens veulent avoir, voilà. Elle le sait pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'avais dit à Guillaume, mon manager, celui qui est parti là, qui est décédé, qu'à un moment donné, je voulais... Parce que les radios, elles veulent des trucs pas dangereux. Donc, la radio, il y a, toi, c'est ouais, lit, ça raconte... voilà. Ça doit pas ébranler personne, voilà, hein. Ça accompagne la vie, donc lorsque tu laves ta vaisselle, tu ne veux pas être ébranlé. Ouais. Tu veux continuer à essuyer ta vaisselle. Mais j'ai vu un podcast radio, ils veulent tout pas dangereux. Et après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me plier à ce truc pas dangereux, je fais des trucs lisses, des trucs chansons, des chansonnettes. J'ai dit, wow. Ou je fais mon Stéphane de moi-même. Voilà. Et puis, comme j'ai plus 20 ans, bah, j'ai dit, bon, ben, on a le même âge. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un truc comme je l'entends. Si j'ai envie de parler de la mort, je parle de la mort. Si j'ai envie de parler de je sais pas quoi, je parle de ceci. Et puis, quitte à provoquer. Enfin, ouais, vraiment, froisser les gens qui veulent avoir quelque chose de toi. Dire ce que j'ai envie de dire. Ouais, de quoi. Dire, ouais. Voilà. Être authentique, être. Oui, enfin voilà. Puis, puis montrer les choses. Ouais. Montrer. Criant de vérité vis-à-vis. Pas accuser, mais montrer. Oh, oui, ok. Et raconter. Voilà, raconter, ouais. Parce qu'on a tous ces. C'est comme là aussi, je pense que j'ai. À un moment aussi, je lui dis, bon, je vais faire une musique un peu, comment dire, écolo-trash. Ah oui. Dans le sens où il y a des groupes, ils vont chanter écologique, mais ça va être, ils vont dire, il faut sauver la planète. Oui, oui. Moi, je dis, c'est pas la planète. Et ça veut rien dire. Parce oui, que, ça veut rien dire. Est-ce que le monde veut arriver à ça? Mais c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité, c'est ouais, les gens. Se sauver nous-mêmes, déjà, c'est beaucoup. Ouais. Et sauver les autres aussi. Voilà. Et ça a un rapport avec les autres. Et j'étais content, il y a un moment donné, parce que j'étais orphelin, enfin, j'ai plus rien. Et puis, quel sens je veux donner à ma musique, maintenant? Et moi, mine de rien, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mmh. C'est-à-dire, avec les, je trouve que les synchronicités, les trucs... Jungien. Voilà. Mmh. Et aussi, le côté terrien, on est sur terre, et qu'au final... pour comprendre ce monde, en fait, il faut s'intéresser aux pics pétroliers, parce qu'on a passé le pic de tout. Et d'ailleurs, j'ai fait un morceau qui s'appelle Bâtisseur. Ouais. Ça parle de ça. Je sais pas si tu l'as vu le plus tard. Ouais, ouais, ben oui. Voilà. Et en ce moment, j'essaye de cibler. Donc, il y a des gens du CNRS que je suis, dont un Marc, je suis sur Internet, hein, dont un mec qui s'appelle Jean-Marc Moscovici. Et lui, il parle du pic pétrolier et tout ça. Il parle de voilà, ce qui va suivre. Parce que tout est lié avec le pic pétrolier. C'est pour ça qu'il y a la guerre en Syrie. Ouais, et ouais, puis, s'il y a un changement climatique, c'est à cause aussi du pétrole ah, oui, qu'on a. Voilà. Ah oui, malheureusement. C'est marrant parce que les gens préfèrent penser que c'est à cause, si tout arrive, c'est à cause d'un être humain, un gouvernement. C'est plus rassurant de savoir voilà, que hein, nous sommes des... Voilà. Mais au final, qui c'est qui me gouverne? C'est la pluie, hein, c'est le soleil. C'est la nature. C'est la nature. Le jour où il n'y a plus de pluie, et puis il n'y a plus rien à manger, donc les gens... Il n'y a rien à boire. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait ce bâtisseur. Le bâtisseur, ça raconte un peu ça. Moi, je construis des ruines en béton armé. Et du coup, je l'ai envoyé sur une page Facebook d'une nana qui s'occupe de ces gens qui travaillent au CNRS. Et leur truc, c'est Transition 2030. Ouais. Et leur truc, leur slogan, c'est comment construire un déclin. Donc je leur ai envoyé, voilà, donc je leur ai envoyé le clip, et puis voilà, peut-être que ça va vous parler. La nana, elle m'a contacté, on a parlé pendant des heures et des heures. Et après, elle m'a dit, bah, viens au colloque, il y a un colloque avec tout le monde. Et, voilà. Donc j'assiste au colloque en tant qu'artiste, et puis on va parler du... Et du coup, ça prend du sens. Oh, ouais, c'est ça. Mais, je vous ai oublié, non? Vous l'avez demandé oui, déjà. Juste un. Oui, juste un. Ah non, j'ai pris un autre. Si je veux dormir ce soir. Ouais. Donc voilà, et. Je ne sens rien. Je ne sens rien. Ni le besoin d'être là, ni l'envie d'être ailleurs. Je ne sens rien, je ne sens rien. Ni le goût de brûler des plats, ni l'espoir d'un monde meilleur. Je ne sens rien, ni battre mon cœur auprès du tien. Je ne sens rien, ni battre mon cœur auprès du tien. je ne sens rien, je ne sens rien. Ni la violence du désir, ni le néant de ton absence. Je ne sens rien, je ne sens rien. Ni l'urgence du souvenir, ni le vacarme du silence. Je ne sens rien, ni battre mon cœur auprès du tien. Je ne sens rien, ni battre mon cœur auprès du tien. Je ne sens rien, ni les crachats sur ma face, ni au retour du matador. Je ne sens rien, je ne sens rien, ni l'odeur de la fille en face, ni la peur de la mort. Je ne sens rien, ni battre mon cœur auprès du tien. Je ne sens rien, ni battre mon cœur auprès du tien. Racontez l'inédit, j'ai plié l'amitié, j'ai cassé la magie. Mais puisque tu as tout savoir, sache qu'au début, la belle aventure tourne au vrai cauchemar. Et comme tu insistes au bout de la piste, allez oublie le fantasme du comeback. Et comme tu insistes au bout de la piste, allez, oublie le fantasme du comeback. J'ai dévoilé la suite, tu vas me bannir. J'ai vraiment tout sali, tu vas me maudire. Et puisque tu as tout savoir, sache qu'au début, la belle aventure tourne au vrai cauchemar. Et comme tu insistes au bout de la piste, allez, oublie le fantasme. Comeback. Et comme tu insistes au bout de la piste, allez oublie le fantasme du comeback. Faire à l'idée, la série terminée. Plus de saisons à venir, le futur à l'avenir. Puisque tu as tout savoir, sache qu'au début, la belle aventure tourne au vrai cauchemar. Et comme tu insistes au bout de la piste, allez oublie le fantasme du comeback. Et comme tu insistes au bout de la piste, allez, oublie le fantasme du comeback. Et comme tu insistes au bout de la piste, allez, oublie le fantasme du comeback. Et comme tu insistes au bout de la piste, allez, oublie le fantasme du comeback. torture. Le monde de travers, tu t'en fous. Notre amour est ainsi défendu. Avec toi, c'est toujours pareil. Rien de monde est impossible. Des feux d'artifice en plein soleil. Une armée invincible. Regarde-moi dans les yeux. Oui, on s'aime bien tous les deux. Regarde-moi dans les yeux. Oui, on s'aime bien tous les deux. Ce n'est pas pour rien que tu es fou de me croire tordu. T'es dans mes travers, on s'en fout. Cachons nos paradis perdus. Équerre ou tangente, c'est pareil. Tenue à l'impossible. T'aimes à subir en plein soleil nos tempêtes invisibles. Regarde-moi dans les yeux. Oui, on s'aime bien tous les deux. Regarde-moi dans les yeux. Oui, on s'aime bien tous les deux. Le monde de travers, tu t'en fous. Notre amour est ainsi défendu. T'en trouveras une autre à ton goût, dont tu seras mordu. Elle prendra ses jambes à son cou, une fois la folie disparue. Regarde-moi dans les yeux. Oui, on s'aime bien tous les deux. Regarde-moi dans les yeux. Oui, on s'aime bien tous les deux. Regarde-moi dans les yeux. Oui, on s'aime bien tous les deux. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.